Allô, allô, par ici l'Europe, les Europes, la grande, la petite, la nouvelle, l'ancienne, etc. Tout est européen, on n'y comprend plus rien, mais vous allez changer ça. Nous allons changer ça ensemble. Nous avons une heure pour mettre les points sur les i, sur le mot qui n'en a pas. Donc, alors, je vais vous demander des questions déjà. Est-ce que vous avez des questions ? Je veux dire qu'il y a déjà quelqu'un qui nous a promis le changement. Disait qu'il y a quelqu'un d'autre qui a parlé du changement. Il y a quelqu'un qui a dit le changement c'est maintenant. Ah, oui. Et maintenant c'est pire. Je sais pas, mais ce qu'il faudrait savoir déjà c'est que veut dire le mot changement. Voilà, parce que si c'est pour changer à l'intérieur d'un cadre qui n'est pas bon, ça ne changera rien. Donc, le cadre de l'Union européenne, tel qu'il est, il n'est pas bon. Donc, tous les changements qu'on fait à l'intérieur d'un cadre qui n'est pas bon sont des mauvais changements. Donc, il faut changer le cadre. C'est comme le vélo. Je suis cycliste. Quand je crève, je mets une rustine. Mais après, au bout d'un moment, quand j'ai mis trop de rustine, qu'est-ce que je fais, à votre avis ? Qu'est-ce que je fais quand j'ai mis trop de rustine ? Eh bien, je change la chambre à air. Eh bien voilà, il faut changer la chambre à air. Mais le changement, c'est un mot, mais c'est aussi quelque chose qui a été profondément étudié. Et je vous recommande ce livre, si vous avez envie que ça change, ce livre peut vous aider. Pour pas se tromper de niveau de changement. Est-ce qu'il faut changer dans le cadre ou est-ce qu'il faut changer le cadre ? Vous voyez, prenez un déménagement par exemple. Vous avez des soucis, vous dites, allez, je déménage. Oui, mais vous emmenez vos soucis avec vous. Donc, il faut bien réfléchir à quel changement on veut aboutir. Et à bien savoir si on doit faire des changements à l'intérieur d'un cadre ou sortir du cadre. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'Union européenne, je pense qu'il faut sortir du cadre, personnellement. Et je pourrais vous le prouver, tout simplement... vous pouvez me donner mon sac là-bas ? Donc là, j'ai avec moi le traité de Maastricht que vous avez tous eu, que vous n'avez peut-être pas tous lu. Moi, la première, je ne l'ai pas lu en entier. Hein. Mais enfin, j'en ai lu suffisamment. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé fin décembre 91 ? Fin décembre 91, l'Allemagne, soi-disant réunifiée, parce qu'elle n'a pas fait de nouvelle constitution commune comme c'était prévu. La RFA a imposé sa constitution à la RDA. Donc moi je dis que l'Allemagne, je l'appelle l'Allemagne pseudo-réunifiée. À l'époque, la Slovénie, qui était une entité de la fédération yougoslave, a voulu quitter cette fédération. Elle en avait tout à fait le droit. C'était inscrit dans la Constitution, avec évidemment un référendum devant tous les Yougoslaves. Ce référendum n'a pas eu lieu. Cependant, l'Allemagne a reconnu tout de même cette indépendance, licite mais illégale. Et on nous raconte aujourd'hui que la Crimée a été annexée alors qu'il y a eu un référendum. Là, il n'y a pas eu de référendum, personne n'a rien dit. 3 semaines après, les 11 qui se préparaient à signer le traité de Maastricht avec cette Allemagne pseudo-réunifiée, eh bien, ils l'ont suivi. Et j'en veux plus à la France qu'à l'Allemagne, personnellement. Parce que, en faisant cette reconnaissance sans référendum, l'Allemagne a violé les accords d'Helsinki de 1975. Donc c'est très grave. Et donc les 11 qui l'ont suivi se sont rendus complices de cette violation. Et 3 semaines après, les 12, en chœur, ont signé le traité de Maastricht. Entre-temps, il y a eu le déclenchement du conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, en Yougoslavie, hein, à cause de cette reconnaissance de la Slovénie. Et bien, 3 semaines après, les 12 signent le traité de Maastricht. Et titre 5, article J1, je vous prie de bien le noter, parce que tout ce que je dis est vérifiable. Eh bien, on prône les accords d'Helsinki pour la paix. Les mêmes, de la même main qui les ont violés, signent ça. Donc cette Union européenne, elle ne peut pas marcher, les bases sont pourries. Et dès la première page, j'avais déjà vu, dès la première page, on me dit que ce sont des gens très bien, n'est-ce pas, parce qu'ils adhèrent à la Convention européenne des droits de l'homme. Ils vous disent même où ça a été signé, à Rome, quel jour, le jour... l'année tout complet, mais on oublie de vous dire l'auteur. Pourtant, il y avait la place. Eh bien, l'auteur, c'était le Conseil de l'Europe, comme par hasard. Eh bien, on ne nous le dit pas. Et pourquoi on ne nous le dit pas? Voilà. Moi, je m'interroge toujours sur ce qu'on ne me dit pas, autant que sur ce qu'on me dit. Bon, maintenant, il serait temps que je me présente un petit peu, quand même. Donc, préparez des questions, j'en prendrai 5 et je vous en poserai 5 également. Préparez vos questions. Donc, je me présente un petit peu quand même, ce serait plus poli. Hein. Je suis née en 38, donc au début de la Deuxième Guerre mondiale. Mon père est breton. Ma mère, anglo-américano-scandinave, etc. J'ai le cœur à gauche, tout en étant membre d'aucun parti. Je m'appelle Léna, pour vous servir. Bonjour Adèle, je croyais que tu venais pas. Et tu sais qu'il y a personne d'avant n'est pas venu. Oui, je savais. Donc j'ai commencé par citer un peu avec les accords d'Helsinki. Pas possible avec les gens. Non, c'est là vraiment, je pense qu'on te reprogrammera. Ouais, bah, je sais pas si ça sert à quelque chose en fait. Sinon là, tu meurs. Ouais, bah il y a eu 2 ou 3 personnes. Soit on arrête là, soit on refait une autre fois, c'est peut-être. Je reste là éventuellement s'il y a des gens qui s'intéressent. C'est vrai que j'étais à vélo, je me suis pris la manif à vélo. Écoutez, mais restez, madame, c'est pas grave, même si on n'est que 4, c'est pas grave. Alors, posez des questions, préparez des questions. Vous avez des questions? En fait, oui. Enfin, oui et non. En fait, ma question, c'est que aujourd'hui l'Europe existe. Je suis d'accord avec vous que le cadre est pourri à l'intérieur, parce que justement, on a construit une Europe pour le dumping social et pour, bien sûr, les multinationales. Je peux intervenir une seconde. Vous avez dit 2 fois le mot Europe. Oui. Ça veut dire quoi pour vous? L'Europe, c'est tous les pays qui la constituent, le continent. T'as vu l'article sur l'Europe n'est pas à la fête ? c'était trop marrant, je me suis pas arrêtée. Donc, chère madame, vous parliez de l'Union européenne, il me semble. L'Union européenne, oui. Oui, c'est ça. Oui. Alors, quelle est la différence? Non, mais c'est pareil. Vous en voulez un? Allez. Je vous pose une colle sur le mot Europe. Trouvez des mots Europe et trouvez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est boulot, c'est ça? Alors, je vais vous aider. C'est déjà boulot à moi. Oui. Qu'est-ce qu'elle va foutre en Russie, l'autre conne? Voilà, prenez la page 16. Attendez, je prends mes lunettes pour la lire. Prenez la page 16. Page 16. Prenez vos micelles. Page 16, on fait une prière de... Les Europes, tout est européen, on n'y comprend plus rien. Mais c'est voulu. Bonjour à tous, je vois qu'il y en a qui nous regardent. Donc là, on part sur les Europes. On vous invite à venir vous rapprocher de nous pour qu'on puisse échanger avec vous. Merci. Merci d'être là, le peu que vous êtes. Et nous avons une heure pour partager ensemble nos connaissances et nos méconnaissances sur le sujet. Donc vous avez donc dans ce journal... Faut pas le lire, c'est Bolloré ça. Mais c'est pas ça le sujet. On s'en fout. C'est un exemple. C'est un exemple, page 16. Alors, vous avez déjà en titre une Europe. Alors, de quoi parle-t-on, à votre avis? Non, mais le mot Europe, déjà. De quoi vous parle-t-on, là? Il est question de quoi, là, si vous lisez un peu plus loin? Vous lisez le début de la phrase. Le cœur n'y est pas. Oui, mais après, sous... Et après? Oui, et après? Alors... On parle de l'Europe ou de l'Union européenne? Ce serait la même... On peut mettre UE, on peut mettre Union. On n'est pas obligé de mettre Europe. Voilà, exactement. Et voilà. Donc... Alors, moi, je dis, quand j'ai... Alors, combien d'États il y a en Europe? Je dis en Europe. Hein. Combien d'États en Europe? Je parle bien de l'Europe. C'est pas un compte. Bah oui. Non. Un petit effort encore. Conseil de l'Europe qui existe depuis 1949, qui a été fondé par 10 États. Il est de l'Atlantique à l'Oral, c'est ça? Oui. Même un peu plus depuis que la Russie a été démolie, maintenant ils prennent toute la Russie. 49. En attendant que le Kosovo soit reconnu internationalement. On en est à 49. Donc vous me direz 49, 47, il en manque deux là, au Conseil de l'Europe. Ben oui, il en manque deux, au Conseil de l'Europe. Je vais vous dire les deux qui manquent, franchement, la Biélorussie et, qui n'est pas noté, la Biélorussie qui est en observation et le Vatican qui lui est observateur. La Suisse est dans le Conseil de l'Europe. Bien sûr, je vous dirai l'année tout à l'heure, même, si vous voulez. Voilà, alors donc j'ai commencé à me présenter quand même, c'est la moindre des choses. Bah oui, je sais pas qu'est-ce qu'on peut... On peut pas ouvrir un caddie et le brancher dessus? Voilà, non, je vais le mettre sur mon vélo. Les rapproches. Tu sais pas? Ouais, voilà. Parce que vous l'attachez en haut, en bas. Donc, oui, alors donc je me présente quand même. Donc j'avais commencé. Vous m'entendez quand même malgré le brouhaha? Bon, alors je suis née avant la Deuxième Guerre mondiale, juste avant. Et mon père est breton, de père breton. Du scotch, tu veux? Du scotch? Tu veux du scotch? Non, c'est bon, sans doute du scotch, mais t'embêtes pas. Je peux pas tout faire, hein. Donc, je dis mon âge, c'est mes origines, celles que je connais, hein, et alors, je suis en lien avec les premiers Américains, ceux qu'on appelle Indiens, pour se faire comprendre, mais ils n'ont rien d'Indien, c'est juste parce que Christophe Colomb se croyait en Inde. Laissez pas les journaux s'envoler, hein. Et donc, j'ai des liens avec les premiers Américains, en particulier ceux du Nord. Et cette année, ça va faire 40 ans qu'ils ont été admis pour la première fois à siéger à l'Assemblée des peuples de l'ONU à Genève. C'était les premiers Américains, ce qu'on appelle Indiens ou Amérindiens. Ce sont les premiers Américains. Ils ont été reconnus comme peuple il y a seulement 40 ans, admis à siéger à l'Assemblée des peuples. C'est un atelier didactique, comme tu l'as fait pour l'Europe, ça va de où à où? Le peuple des Amérindiens, il va de où à où? Toutes les Amériques, les trois Amériques. Oui, les trois Amériques. Quand on arrive au Pôle Nord, là, on arrive de l'autre côté, il y a des Inuits. Oui, les Inuits. Il y a une association à Paris qui s'appelle CSIA, Comité de solidarité avec les Indiens d'Amérique au pluriel. Non, mais moi, je suis plus intéressée de par mes origines, par les premiers Américains du Nord. Et peu importe, ils ont tous été admis à siéger, reconnus comme peuple pour la première fois il y a seulement 40 ans. Et à cette occasion, ils ont écrit un texte qui s'appelle en anglais Basic Call to Consciousness, c'est-à-dire appel fondamental à la conscience. Ce texte qui date de 77 est toujours d'actualité. Et vous le trouverez traduit en français sous le titre Message des Iroquois au monde occidental. Malheureusement, le titre anglais est quand même plus explicite. Voilà. Et j'ai des liens. Après, j'ai découvert la Yougoslavie vers les années 80. En même temps que j'ai découvert les travaux sur le changement de l'école de Palo Alto, et ce pays m'est apparu comme une mini-Europe. Je continue. Ruseika, c'est toujours une image. Bon, alors voilà. Donc, vous avez vu que dans le journal, on vous dit Europe d'emblée. C'est une facilité de langage très dangereuse, je trouve. Et. Ouais. Et je ne sais pas si vous étiez. Est-ce que vous étiez là quand j'ai parlé du début du traité de Maastricht? Voilà. Alors je dis à tout le monde, relisez la fable de La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. C'est qui la grenouille? Non, oui, dans la fable de La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. C'est qui la grenouille? Pourquoi je vous parle de cette fable? Pour moi, c'est qui la grenouille dans l'histoire? Bah oui, c'est l'Union Européenne. Voilà, mais ça va venir. Et le bœuf, c'est le continent européen. Ou à la limite, le Conseil de l'Europe. C'est pas les deux petits pays qui vont... Voilà. Le Conseil de l'Europe peut parler, lui, au nom de toute l'Europe. Bon, vous avez des questions? Ou alors je vais vous en poser. Ah oui, j'ai une question. Ah. Le Conseil de l'Europe, ça existe toujours actuellement en tant qu'institution. C'est vide. Le matos, il n'est pas cassé. Oui, j'ai une question. Le Conseil de l'Europe dont tu nous parles, il existe toujours. Il est donc animé, enfin c'est une structure dont les fonctionnaires sont payés par qui ? Non, je me pose la question parce que si c'est géographiquement une Europe déjà faite, complète, on peut débrancher la communauté européenne bidon là qui nous. Et puis on peut rebrancher là-dessus, mais est-ce que ça sera pareil ou est-ce que ça sera mieux ? Alors je lis tes objectifs, ton petit papier pour te présenter. Remplaçons l'Union européenne qui a violé les accords d'Helsinki, au passage, mais s'y réfère au titre 5 de l'article J1 du traité de Maastricht. Donc toi, on voit qui tu es, tu es par l'Europe unie, pas pour l'Europe unie, mais par l'Europe unie, avec objectif du Conseil de l'Europe, tu vas nous les dire, accord d'Helsinki, pardon, tu vas nous en dire un mot aussi, et budget de l'ex-Union européenne, tu nous diras si tu veux quelque chose. Mais déjà, c'est quoi les objectifs du Conseil de l'Europe et en quoi les accords d'Helsinki sont à ton avis si importants que tu viennes sur la place pour en parler ? Bon, alors, déjà, la première chose, donc, qu'on a bien vu ensemble, c'est l'utilisation du mot Europe. Utilisation à laquelle nous devons être très vigilants. Je vous demande d'être très vigilants sur cette utilisation. Parce qu'elle est devenue tellement courante, même Mélenchon, que j'aime pourtant bien, à la radio, il n'y a pas longtemps, il a dit Europe, alors qu'il parlait de l'Union européenne. Et les objectifs, oui, une seconde. Ah, et on est là jusqu'à 5 heures. Bon. Les objectifs. Les objectifs, ce sont essentiellement des objectifs humains. Le Conseil de l'Europe a été créé le 5 mai 49. Ces objectifs sont essentiellement humains. Il a démarré à 10 États fondateurs, par le traité de Londres. Notez, cherchez sur vos ordinateurs, vos machins. L'année même de sa création, deux pays se sont ralliés, à savoir la Turquie et la Grèce. La Grèce a été éliminée au moment du régime des colonels. Le Conseil de l'Europe était capable de faire ça. Aujourd'hui, donc, ils sont 47. Avec un très petit budget, un budget 1000 fois moindre par habitant que celui de l'Union européenne, dont tous les membres sont membres également du Conseil de l'Europe, bien sûr. Donc déjà, première question, d'où vient cet argent et pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle pas donné plus d'argent au Conseil de l'Europe ? On peut se poser la question. Alors, nous avons travaillé avec quelques citoyens attentifs, comme je les appelle. C'est une association qui n'est pas déclarée, ce sont des électrons libres. Ça s'appelle Citoyens Attentifs. Et nous sommes dit, après la Première Guerre mondiale, on a créé la SDN pour qu'il n'y ait plus de guerre. Bon, vous n'étiez pas nés, hein. Bon, mais il y a quand même eu la deuxième, qui a été encore pire. Donc, on s'est dit, la SDN, ça ne marche pas, on va faire autre chose. On a fait l'ONU. Bon, aujourd'hui, l'ONU, faudrait peut-être la revoir. Mais on a été capable, à l'époque, de changer la SDN pour l'ONU, parce que la SDN ne fonctionnait pas. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on devrait être capable de changer l'Union européenne qui ne marche pas, qui boite, de la changer par l'Europe unie. Et cette Europe unie, elle reprendrait les objectifs du Conseil de l'Europe qui sont toujours valables. Maintenant, l'organisation du Conseil de l'Europe, là je serais plus réticente, vu qu'elle se fait complètement bouffer par l'Union européenne et autres, et que je viens d'apprendre, enfin j'ai appris il y a même pas un an, que à son assemblée parlementaire, il y avait un observateur dont ce n'est ni la place, ni politiquement, ni géographiquement, ni historiquement, à savoir Israël. Observateur à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Bon, j'ai rien contre Israël, hein, mais je veux dire, c'est vraiment pas sa place. Voilà. Donc, par contre, les objectifs, eux, sont toujours valables. Donc, ce serait bien de les reprendre. Et quant aux accords d'Helsinki, alors, les accords d'Helsinki, je suis un peu dérangée par tout ça, hein, donc je vous remercie beaucoup de rester attentif. Donc, les accords d'Helsinki ont été signés en 1975 par toute l'Europe. Toute l'Europe. Sauf l'Albanie qui a signé en 91. Hein, bon, ça, c'est vraiment un petit détail. Hein. Et les accords d'Helsinki, c'était un petit peu l'application de l'ONU au niveau européen. Parce que l'ONU, c'est très large. Donc, c'était une application européenne de l'ONU. Et il y avait 10 engagements. Et dans ces 10 engagements, il y avait par exemple l'inviolabilité des frontières, le respect de la souveraineté, le non-recours à la force, à la menace, en fait tout ça qui a été violé quand l'Allemagne pseudo-réunifiée, je ne sais pas si vous étiez là, j'en ai parlé tout à l'heure, l'Allemagne pseudo-réunifiée qui a imposé sa constitution à la RDA, la RFA a imposé sa constitution à la RDA. Donc, pour moi, elle n'est pas vraiment réunifiée. C'est plutôt une annexion qu'une réunification. Elle a reconnu donc l'indépendance de la Slovénie, qui était une indépendance tout à fait licite, inscrite dans la constitution yougoslave, mais qui demandait un référendum qui n'a pas eu lieu. Donc, elle était illégale. Et l'Allemagne l'a reconnue. Et nous, à sa suite, on l'a reconnue aussi. Et donc, on a tous été complices de la violation des accords d'Helsinki. Vous avez un que sais-je, 2661, qui est sorti en mars 92 sur le sujet. Je vous le recommande, vraiment. Vous le trouverez peut-être pas, hein. C'est possible que vous le trouviez pas, vous le commandez. Moi, quand je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé, je l'ai commandé. À l'époque, c'était les années 92. Et en même temps, là, je me perds un peu dans tous les trucs. On en était où ? Bon, les objectifs sont toujours valables, donc les accords d'Helsinki, ça c'est le projet pour remplacer l'Union européenne, bon, ce qu'on appellera l'Europe unie. Victor Hugo parlait déjà des États-Unis d'Europe, hein. C'est pas une idée nouvelle, mais il y a l'idée et ce qu'on en fait. Ça fait deux. L'idée peut être très bonne et ce qu'on en fait peut être très mauvais. Donc les accords d'Helsinki, donc avec ces 10 engagements, donc signés en 75, et alors détail. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais les liens avec les premiers Américains, à savoir ce qu'on appelle Indiens, des liens avec la Yougoslavie qui m'est apparue comme une mini-Europe quand j'ai découvert ce pays, et des liens à aussi, par deux de mes 6 petits-enfants, j'ai des liens avec Israël-Palestine, alors hein, j'ai ma dose. Donc, les accords d'Helsinki ont créé la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, CSCE, qui s'appelle aujourd'hui OSCE, pour mieux vous embrouiller, parce qu'un jour, ils n'avaient rien d'autre à faire que de remplacer le C par un O. Remplacer conférence par organisation. C'était très important. Hein. Donc maintenant, ça s'appelle OSCE. Et la première CSCE, à l'époque, s'appelait CSCE, c'est-à-dire la conférence la coopération en Europe, c'est quand même pas rien, signée par toute l'Europe, la première conférence s'est tenue à Belgrade, capitale de la Yougoslavie. Et ça va faire 40 ans cette année, aussi 40 ans, comme pour les Indiens, 40 ans. Et comme pour les premières journées des droits de la femme, 40 ans. Cette année, on a 3 anniversaires, il y en a d'autres, hein, mais enfin, voilà. Donc je vous recommande ce livre. Mais que sais-je, 2661, vous allez vous rappeler ? Mais il est là, hein. Vous pouvez le consulter. Je ne vous lis pas les 10 engagements, hein. C'est un peu long, mais bon, il y avait quand même inviolabilité des frontières, c'était clair. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après les avoir violés, ces accords, on a déclenché donc le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, en Yougoslavie, là vous êtes tous au courant. Hein. Eh bien, trois semaines après, les 11 ont suivi l'Allemagne, et trois semaines encore après, c'est-à-dire début février, les 12 signent le traité de Maastricht, dans lequel ils prônent les accords d'Helsinki pour la paix. Les mêmes, la même main. C'est le titre 5, article J1 du traité de Maastricht. Le voici, le voilà. Et déjà au début du traité, les 12 se présentent comme étant des gens très bien, n'est-ce pas? Ils adhèrent à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est formidable, ils vous disent même où c'est signé et quand. Mais ils vous disent pas qui. Il se trouve que c'est le Conseil de l'Europe. C'est ce qu'on appelle un mensonge par omission. Parce qu'il y a les mensonges, mais il y a les mensonges par omission. Et puis il y a les amalgames aussi. Donc il faut être attentif au sens du mot Europe, aux mensonges par omission et aux amalgames. Ce serait déjà pas mal. Hein. Donc... Alors, votre question, on n'a pas fini avec votre question. Hein. C'était quoi votre question? En précisant bien de quoi vous parlez, si c'est de l'Europe ou de l'Union européenne. En fait, je parlais de l'Union européenne. Hein, et je me... En fait, vous parliez du cadre, de détruire le cadre pour reconstruire. Voilà. Et en fait, moi, ma question, c'était, étant donné que le cadre existe déjà et qu'on a eu beaucoup de mal déjà à le mettre en place, sachant que depuis plus de 20 ans, on connaît aujourd'hui les résultats et les lacunes de l'Europe. Est-ce qu'on est de l'Union européenne, pardon? Je fais comme tout le monde. Oui, c'est ça qui est voulu. Non. Bon, la prochaine fois, je ferai attention. Donc, si voilà. En fait, s'il y a réellement des gens de bonne volonté qui veulent construire l'Europe des peuples, et que justement cette expérience passée nous a permis justement de voir tout ce qui n'allait pas, toutes les lacunes, toutes les difficultés, est-ce qu'aujourd'hui justement vous voulez vraiment détruire ce cadre, pourquoi ne pas le garder et justement, puisqu'on a conscience de tout ça, de construire? Puisque les peuples aujourd'hui sont tous debout pour dire, pour certains on sort de l'Europe ou pour d'autres on veut l'Europe des peuples. On ne sort pas de l'Europe, on sort de l'Union européenne. On ne veut pas forcément l'Europe des peuples, on veut l'Union des peuples. Donc c'est pour ça que nous proposons l'Europe unie. Et nous ne voulons pas reprendre les mêmes traités qui sont à la base de l'Union européenne, parce qu'il y en a je ne sais pas combien, à commencer par le traité de Maastricht, dont je viens de vous dire qu'il est quand même basé sur une violation des accords d'Helsinki. Donc c'est quand même grave. Donc on ne veut plus de ça. Et on veut reprendre les objectifs du Conseil de l'Europe, qui sont toujours valables, qui sont des objectifs essentiellement humains. On veut le respect des accords d'Helsinki, parce que je ne vous ai pas dit le pire, la cerise sur le gâteau, c'est qu'après avoir reconnu la Slovénie en violation de ces accords, sans référendum des Yougoslaves, on a ensuite donc créé un nouvel État qui s'appelle l'État slovène. Eh bien, comment croyez-vous que c'est les frontières, il a des frontières, c'était ce nouvel État slovène. Eh bien, qui protège les nouvelles frontières du nouvel État slovène, le premier de toute l'histoire, il n'y a jamais eu d'État slovène avant. Qui protège les frontières de ce nouvel État? Je vous le donne en mille, ben, les accords d'Helsinki. Donc il faudrait savoir quand même. Est-ce que c'est... J'ai pas encore eu le temps, je me dis toujours, il faudra que je cherche les dates précises. Ce sont peut-être des accords qui sont valables les jours pairs et pas les jours impairs. C'est possible, hein. Tout est possible. Donc voilà pourquoi le cadre, donc c'est bien expliqué dans les travaux sur le changement de l'école de Palo Alto, ils ont mis en évidence les niveaux de changement. Alors, soit il y a un cadre donné et ça ne va pas, Donc on fait des changements à l'intérieur du cadre. Mais parfois, c'est le cadre qu'il faut changer. Donc je prenais tout à l'heure l'exemple du vélo, puisque je suis cycliste. Je crève, je mets une rustine. Je crève une deuxième fois, une troisième fois, je mets des rustines. Bon, au bout d'un moment, quand il y a trop de rustines, eh ben, il faut changer la chambre à air, c'est tout. Alors, si on a été capable de changer l'ADN pour l'ONU, on doit être capable de changer l'Union européenne pour l'Europe unie, avec des bases que l'on a déjà. C'est pas la peine d'inventer des nouveaux traités qu'on n'a pas fini d'en lire un, il y en a un autre qui arrive. En plus, c'est traduit dans je sais pas combien de langues, je vous raconte pas les détails. On a tout ce qu'il faut comme base. Les objectifs du Conseil de l'Europe, qui sont essentiellement humains, c'est les droits de l'homme, je vais vous retrouver, j'ai un papier. Les droits de l'homme, la démocratie. Sachez par exemple, si vous avez un souci en France, vous avez épuisé tous les recours possibles. Vous n'avez plus aucun recours pour défendre vos droits. Vous pouvez vous adresser au Conseil de l'Europe. Peu de gens le savent. Mais il faut vraiment avoir épuisé tous les recours possibles avant. Le Conseil de l'Europe fonctionne depuis 1949 avec un budget très petit. J'ai fait le calcul. Vous prenez le nombre d'habitants, le budget, vous faites le calcul. À peu près 50 centimes par habitant. L'Union européenne, dont tous les pays sont membres du Conseil de l'Europe, ils ont à peu près mille fois plus d'argent. Vous pouvez chercher, vous prenez le nombre d'habitants, le budget, vous faites le calcul. Pas compliqué. Bon, dans l'ordre de grandeur, c'est à peu près mille fois plus. Donc c'est pour ça qu'on propose les objectifs du Conseil de l'Europe, les accords d'Helsinki, les 10 engagements et le budget de l'ex-Union européenne. Moi, je ne veux pas que la France sorte de l'Union européenne. Je veux sortir l'Union européenne, la remplacer par l'Europe unie. Écoutez bien, on vous a dit quand le Royaume-Uni... T'as une question ? Quand... Oui, c'était très court. Quand le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, ça, on vous l'a dit sur tous les tons, personne ne vous a dit... Le Royaume-Uni rejoint 20 pays européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Pourquoi on vous l'a pas dit comme ça? Vous en entendez parler des 20 pays qui sont européens et qui ne sont pas dans l'Union européenne? On vous en parle jamais. Pourquoi? Ils vivent ces gens-là? Posez-vous la question. Pour reprendre la métaphore du vélo, est-ce qu'après tout on pourrait pas aussi changer de mode de transport et marcher à pied? Je pose cette question-là parce que est-ce qu'il est nécessaire de penser une Europe unie avec une institution? Voilà. Parce que du coup, est-ce que ce serait pas reproduire la même chose d'une certaine façon? Non pas au niveau des... ce seraient les traités qui seraient appliqués ou pas, mais en imposant à nouveau un système de représentation organisé, etc. Donc c'est pour ça que j'aimais bien la comparaison du vélo. Donc on peut changer la roue, on peut aussi changer le moyen de transport, à condition qu'on soit pas dans le même rapport compétitif. Ouais, je suis désolé, je suis arrivé un petit peu en retard, donc j'ai pas tout suivi, mais ma question est relativement simple. Donc l'Europe unie, est-ce que vous pouvez nous donner les contours, nous dire un peu à quoi ça ressemble cette Europe unie? Est-ce que elle a un parlement? Est-ce que elle a une monnaie commune? Comment est-ce que ça se passe au niveau des frontières? Est-ce que comment ça se passe entre les gouvernements? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près, parce que moi je les connais pas les traités de Helsinki, les accords d'Helsinki et tout ça, à quoi ça ressemblerait? Voilà, monnaie commune, la question des frontières, la question militaire aussi, la collaboration. Est-ce que c'est bon? Voilà, si vous pouviez nous dire un petit peu plus, voilà, de manière concrète, à quoi ça ressemble cette Europe unie? Voilà, les grandes lignes. Il faudrait revoir le fonctionnement du Conseil de l'Europe, parce que comme je disais tout à l'heure, il est infiltré, noyauté, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que nous n'avons repris que les objectifs. Parce que le fonctionnement du Conseil de l'Europe, qui continue à fonctionner quand même aujourd'hui, à 47 États, hein. Et on n'entend pas dire qu'ils ont pas de problèmes particuliers, hein, alors que l'Union européenne, on n'arrête pas de parler des problèmes qu'il y a. mais le fonctionnement serait à revoir quand même, parce que juste un petit détail, par exemple, j'ai appris il y a à peu près un an ou plus, je sais plus, enfin il n'y a pas très longtemps, j'ai appris qu'à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, il y avait un observateur qui était Israël. Alors, je ne sais pas moi, mais géographiquement, politiquement, historiquement, je ne vois pas bien, j'ai rien contre Israël, mais je ne vois pas bien sa place comme observateur au Conseil de l'Europe, franchement. Alors, je rebondis sur Israël. Il y a beaucoup de pays comme ça, la Russie par exemple, qui est une partie en Europe, une partie en Asie, mais sa grosse partie est en Asie, où je pense à la Turquie, qui voulait rentrer dans l'Union Européenne, mais qui a aucunement sa place dans cette Union Européenne, puisqu'elle est en Afrique quasiment, ou en Asie. Oui, non mais voilà, donc dans ces cas-là, est-ce que ces pays-là justement, ces pays-là qu'on parle, vous parliez là à l'instant, est-ce que justement on ne pourrait pas les mettre dans ce groupement? Alors, la Turquie a adhéré au Conseil de l'Europe l'année même de sa création en 1949. Ils ont démarré à 10 pays, le 5 mai 1949, et l'année même, la Grèce et la Turquie ont adhéré. Par contre, la Grèce, quand il y avait le régime des colonels, je ne suis pas historienne, hein, je suis une citoyenne lambda, avec un peu plus de temps parce que j'étais 10 ans au chômage, mais bon, puis je m'intéresse au monde dans lequel je vis, je voudrais qu'il soit meilleur, qu'on vive mieux ensemble, c'est tout quoi. Hein. Donc je ne suis pas spécialiste, mais donc quand il y a eu le régime des colonels, le Conseil de l'Europe a exclu la Grèce de son institution, il avait les moyens de le faire. Donc on peut se donner les moyens, hein, il suffit de s'organiser. Hein. Ça c'est une base, c'est juste une base, c'est à construire sur cette base-là. J'ai su aussi, parce que je m'intéresse au Conseil de l'Europe depuis très longtemps, on ne parlait pas du tout de l'Union Européenne, hein. Je suis née en 1938, hein, comme j'ai dit, et toutes ces choses larges, l'ONU, l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, ça m'intéressait. Et parce que j'ai des origines un peu mélangées, donc je suis un peu citoyenne du monde, quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais même plus. le Conseil de l'Europe, je ne sais même plus ce que je voulais dire. T'es parti sur quoi, là? Moi, écoutez, je suis copropriétaire. Il y a un règlement de copropriété. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par institution. Il y a des objectifs qui ont été fixés en 1949 qui sont toujours valables. Est-ce qu'on appelle ça une institution ou pas? Il y a les accords d'Helsinki. C'est pas une institution, ce sont des accords qui ont été signés par toute l'Europe en 1975. Toute l'Europe. Ah, bah oui, mais attends. Eh, t'as déjà assisté à une assemblée générale de copropriétaires? Eh ben, il y a un assesseur, un président, un secrétaire. On est obligé de s'organiser quand même. S'organiser, ça veut pas dire. Mais les institutions, elles sont révocables. Comme Mélenchon, il veut là, révoquer les. Voilà. Une institution, ça veut pas dire qu'elle sera pas révocable. On peut prévoir les deux en même temps. Mais il faut quand même être organisé un petit peu. Justement, toujours dans le même état d'esprit, si tu te dis que la solution, c'est l'Europe des peuples, ben, c'est les peuples qui doivent faire l'Europe. C'est pas les institutions, c'est pas les gouvernants, c'est pas les politiciens. Parce que de toute façon, ils sont corrompus et en plus, ils respectent même pas ce qu'ils ont signé. Alors, je ne sais pas pourquoi on devrait les garder. On garde pas les corrompus, mais on peut quand même choisir des représentants. Et on les révoque s'ils ne nous satisfont pas. On prévoit de pouvoir les révoquer s'ils ne nous satisfont pas. Voilà. Voilà ce que ça a donné les institutions dans l'Europe en général. Et je pense justement que c'est plutôt une institution qu'il faudrait avec le peuple et pas des gens qui nous dirigent. Parce qu'on voit ce que ça donne en ce moment. Hein. Le Conseil européen, c'est... Oui, ben justement, le Conseil européen en ce moment, c'est Marine Le Pen corrompue. Nos constituantes à nous sont corrompues. Donc justement, une institution... Une institution, c'est le peuple vote. Et là, le but, ce serait justement de mettre des gens du peuple dans ces institutions et pas des politiques. Parce que le traité d'Helsinki, je veux bien, je suis d'accord avec vous. Mais qui c'est qui l'a signé ce traité-là? C'est pas le peuple. Voilà. Nous, ce qu'on vous dit, c'est est-ce que justement des institutions avec le peuple, c'est pas mieux que des institutions avec des politiques qui signent des papiers qu'on ne lit jamais? Justement, suite aux accords d'Helsinki, il y a eu des organismes qui ont été créés de surveillance des accords. On peut choisir un groupe qui sera évidemment remplaçable périodiquement, comme ça se fait dans tout, là, de gens qui vont vérifier que les accords sont respectés, bien sûr. Voilà. Mais oui, mais voilà. C'est à nous d'exiger le respect aussi. On dit rien, mais on dit rien la plupart du temps parce qu'on ne sait pas déjà. Souvent, on ne sait pas. Les accords d'Helsinki, parlez-en autour de vous, la plupart des gens ne savent pas. Moi, le que sais-je, quand j'ai voulu l'acheter, quand j'ai compris qu'il y avait violation des accords d'Helsinki, j'ai compris pourquoi, grâce à Paul-Marie de la Gorce, qui a fait un article dans Le Monde diplomatique de juillet 92, je vous le recommande, hein, vous pouvez le trouver, hein. Juillet 92, Le Monde diplomatique, la coûteuse myopie de l'Union européenne, Paul-Marie de la Gorce. J'ai voulu acheter le que sais-je, je ne l'ai pas trouvé. Il y avait le 2660, il y avait le 2662, mais le 2661, j'ai dû le commander chez les anarchistes. Vous commandez chez les anarchistes les livres que vous ne trouvez pas. Ah ouais? Je voulais juste donner un exemple de ce qui se passe avec le CETA et le TTIP, etc. Je veux dire, il y a des traités, les politiciens corrompus qui signent des traités, etc. Et après, les multinationales n'en ont rien à cirer des traités. Elles font ce qu'elles veulent. Et il n'y a personne pour les empêcher. Tu peux faire... Tu peux élire des contrôleurs. Les contrôleurs, ils vont être corrompus, tout simplement. Il y a tellement d'argent qui circule. Hein. Je veux dire, même moi, si j'y vais, qu'est-ce que j'en sais si demain, je ne serais pas corrompu moi aussi. Le souci des traités de l'Europe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, de toute façon, quoi qu'il se passe, on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe dans notre vie en Europe. Le but aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on construise, comme vous dites, une Europe unie par les peuples, pour les peuples. Et pas une Europe unie pour des politiques corrompues. On a 5 candidats à l'élection présidentielle qui sont totalement incapables de gérer cette question-là. Les Anglais l'ont très bien compris. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont fait une croix claire sur l'Union européenne. Aujourd'hui, qui c'est qui a décidé? C'est le peuple. Et si on veut sortir de cette Union européenne qui nous bouffe la vie tous les jours, mais faut pas oublier un truc, c'est qu'il y a une partie aussi qui nous aide. Il y a une partie de financement de l'Union européenne. Voilà. Voilà. Non mais, ce que je veux dire, c'est sortir de l'Union européenne, certes, mais il va pas falloir oublier qu'on a des traités du marché européen. Et ces choses-là, c'est très compliqué de s'en sortir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le Royaume-Uni en général, c'est qu'ils sont en train de perdre tous leurs traités de marché pour la simple et bonne raison qu'ils ont dit stop à l'Europe. Donc, sortir de l'Union européenne, oui. Sortir avec, quand même garder des accords de marché, ça je pense que c'est vraiment important. Comment on faisait avant? On en avait avant des accords, avant qu'il y ait l'Union Européenne. Alors c'est ça justement qui m'a échappé tout à l'heure, ce que je voulais dire. Comme je m'intéressais depuis longtemps au Conseil de l'Europe, j'avais eu à un moment une carte de Conseil de l'Europe et j'avais vu que la Yougoslavie, par exemple, était membre uniquement dans les domaines de la culture. Donc il y avait cette possibilité-là aussi, d'être membre que dans des domaines où on voulait, quoi, où on voulait faire quelque chose. C'était assez démocratique, assez libre, quoi, je trouve. Mais bon, aujourd'hui, c'est complètement bouffé, infiltré, donc c'est pour ça que je ne retiens que les objectifs et pas l'institution elle-même, qui est à revoir vraiment, ou à virer, ou je sais pas, mais enfin, les objectifs sont toujours valables. Et tant qu'à faire de penser du coup en termes d'institutions et de réforme des traités, pourquoi est-ce qu'il faudrait se limiter à l'Europe et pas poser tout de suite quelque chose de mondial? Parce que de poser l'Europe, ça mettra déjà forcément l'Europe en concurrence avec d'autres. Et donc déjà, j'ai envie de dire, c'est mort quoi. Ça n'est pas du tout incompatible. Ça n'est pas du tout incompatible. Balayons devant notre porte et le reste suivra. Et puis ça peut donner des idées à d'autres. Non, mais c'est pas incompatible du tout. Alors, je vais prendre un exemple qui vient à l'esprit. Je suis franco-américain et je suis né en Californie. Voilà, donc je suis né en Californie. Et faut... Hein ? Ouais. Et malheureusement, il faut savoir un truc, c'est que la Californie veut quitter les États-Unis. pour la simple et bonne raison, il faut savoir que la Californie, c'est quand même beaucoup plus la mixité qu'on ne le pense. Et j'ai lu ce matin dans la presse que la Californie était décidée à quitter la Californie après l'élection de Donald Trump. Donc, vous voyez que déjà dans certains États des États-Unis, ça se décide. Et du coup, est-ce que nous, on pourrait, enfin, comme eux, quitter clairement l'Europe et monter l'Union européenne et monter une Union européenne à nous, en fait, c'est-à-dire avec les Anglais, avec les Suisses, parce que les pays qui sont pas en Union européenne, on les connaît, la Suisse, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni maintenant. Il y en a deux principaux, la Norvège. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça pour garder certaines bases, c'est-à-dire leur monnaie, tout bêtement. Sauf que le Royaume-Uni, ils ont été encore plus intelligents que nous, c'est qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne sans changer de monnaie. Et là où ils ont eu des regrets, et d'ailleurs il y a beaucoup de raisons pourquoi le Royaume-Uni a quitté le cercle de l'Union européenne, et la raison monétaire en fait partie. Mais je pense aussi que le Royaume-Uni a été poussé vers la sortie, réellement. C'est-à-dire que on n'a pas dit un jour, du jour au lendemain, au Conseil constitutionnel de l'Europe, l'Angleterre veut sortir, très bien. Non, je pense qu'il y a eu un moment donné où l'Union européenne en a eu ras-le-bol de cette monnaie qui tournait en Royaume-Uni et pas qui avait une monnaie commune avec nous. Et je pense qu'on l'a poussé vers la sortie. Et je pense que c'est ce qui est en train de nous arriver aussi à nous. On est en crise depuis des années. Et je pense que les pays en crise, ça gêne un peu l'Union européenne et surtout l'Allemagne. Et ils veulent les pousser vraiment dehors. Je voulais juste rajouter que c'est un problème de souveraineté. J'ai vu que tous les pays qui font en Europe, qui ne font pas partie de l'Union européenne, ils vont très bien. Aussi bien économiquement, socialement, démocratiquement, etc. Il n'y a que dans l'Union européenne que c'est la merde. C'est pour ça qu'on n'en parle jamais de ces pays-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, on nous a dit sur tous les tons que le Royaume-Uni quittait l'Union européenne. On nous a jamais dit qu'il rejoignait 20 pays européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui vivent. Bon, mieux ou moins bien, je sais pas, mais bon, qui vivent. Et on vivait avant l'Union européenne également. Il y avait des accords entre les pays bien avant l'Union européenne. Donc l'Union européenne, c'est... Je dis, pour moi, de toute façon, c'est basé sur la violation des accords d'Helsinki. Ce sont les mêmes, de la même main, qui a 6 semaines d'intervalle en comptant depuis l'Allemagne, 3 semaines en comptant depuis le ralliement à l'Allemagne, qui ont violé les accords d'Helsinki, déclenché le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, et qui vous mettent après, au titre 5, article J1, que les accords d'Helsinki sont bons pour la paix. Les mêmes, la même main. Les 12. Possible. Pour moi, ça passe pas, ça peut pas passer. On peut faire des erreurs, tout le monde en fait, moi la première, mais ça, non. Donc, en fait, vous venez de dire exactement ce qu'on vient de vous dire, c'est que l'institution, au final, ne servirait strictement à rien, puisque vous nous dites que ça a été fait, les accords d'Helsinki ont été signés de la même main, ont déclenché une guerre, et après, on dit c'est bon pour la paix. Donc, vous voyez bien que dans votre discours, en fait, une institution ne servirait à rien. C'est pas tant l'institution qui est en cause, c'est la façon dont elle est organisée déjà, et les gens qui y sont. Donc on peut très bien l'organiser autrement, avec plus de pouvoir au peuple, plus de contrôle du peuple. Ça, on peut le prévoir. Mais le peuple, vous savez, je vais vous raconter, moi, vu mon âge, j'étais présidente des parents d'élèves pendant plusieurs années. J'ai dû me battre pour ne plus y être. Parce que les gens, la plupart des gens, ben, quand ils ont trouvé quelqu'un qui fait le boulot, ils n'ont pas envie de s'y coller. Hein. Alors on est tous un petit peu responsables dans l'histoire. Hein. Il ne faut pas tout mettre sur le dos des institutions. Regardons en nous-mêmes déjà aussi. Donc je pense que c'est l'éveil de conscience. C'est pour ça que je tiens tellement à ce texte des premiers Américains qu'ils ont délivré en 77, il y a 40 ans aujourd'hui, quand ils ont été reconnus pour la première fois comme peuple et admis à siéger à l'Assemblée des peuples de l'ONU à Genève. Et ils ont écrit ce texte pour vous, monsieur, Basic Call to Consciousness. Vous le connaissez? Voilà. Ça a été traduit en français, malheureusement, c'est Appel fondamental à la conscience. C'est toujours valable à lire. Il y a une vingtaine de pages. Et ça a été traduit en français par Message des Iroquois au monde occidental. Bon, c'est une facilité, voilà. Les Iroquois étant la plus ancienne fédération humaine existant jusqu'à ce jour. Ils sont 6 nations réunies. Mais ce message vient de la part de tous les premiers Américains, de toutes les Amériques, des trois Amériques. Enfin, c'est vrai ce que tu dis, mais comment dire, sur les, c'est à nous de faire les choses. Hein. Enfin, je suis convaincu, c'est à nous de faire les choses. Mais pour s'unir, il faut avoir confiance. Et quelqu'un qui regarde la télé, qui écoute la radio, etc., il a pas du tout envie de s'unir ni avec les Allemands, ni avec les Espagnols, ni avec personne. Parce qu'on a tous peur les uns des autres. On nous fait peur les uns des autres. Alors, c'est pas si simple que ça. Je veux dire, si on n'a pas confiance, on peut signer tous les traités qu'on veut. Ça ne servira jamais à rien. Oui, c'est ça. Le problème, c'est ça, en fait. C'est pourquoi ce texte appelle fondamental à la conscience. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de parlant. Le problème, il est un peu là aussi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette association qui n'est pas déclarée. Ce sont des électrons libres et nous nous appelons citoyens attentifs. Et nous essayons d'amener les gens à être plus attentifs, ne serait-ce que d'être attentifs au mot Europe, déjà, c'est déjà pas mal. Non, j'aimerais réagir par rapport à ce qui a été dit, parce que, bon, effectivement, bon, les gens ne se sentent pas ou peu concernés. Pourquoi ? Parce que simplement, on arrive à un état où actuellement, les gens sont dans un état de précarité tel que tout le monde se bat pour son petit carré d'herbe et ne regarde pas au-delà. Simplement parce que moi, ce qui actuellement m'interpelle, c'est effectivement la mondialisation. La mondialisation a fonctionné pour les finances, le commerce, le grand capital, mais par contre, elle n'a pas fonctionné pour le peuple. Pourquoi le peuple a-t-il manqué cette marche ? Tout simplement du fait de la précarité. Parce que les dirigeants actuels nous ont forcés à regarder pas plus loin que le bout de notre petit carré, en préservant nos avantages et nos privilèges. Évidemment, le jour où effectivement une heure de travail en Chine ou en Roumanie ou en France aura la même valeur, peut-être qu'un jour, ceci permettra de considérer les choses différemment. Mais effectivement, la solution, elle n'est pas au plan national, clairement. Et c'est une étape, certainement, mais ce n'est pas la solution définitive. Et je crois qu'effectivement, actuellement, dire « je veux sortir de l'Europe », pour moi, ça serait... De l'Union européenne. Effectivement, oui. C'est une gageure, parce que... Un pays seul, comme la France ou n'importe quel autre pays dans le monde, ne peut rien seul, absolument rien. Et je crois que vouloir sortir de l'Europe, de l'Union européenne, et serait une erreur fondamentale. Refermer, ça serait revenir 100 ans en arrière. Quand j'entendais tout à l'heure, vous disiez effectivement, on fonctionnait avant l'Union européenne. Oui, certainement. Mais on ne fonctionne plus maintenant comme on fonctionnait il y a 100 ou 150 ans. Et donc maintenant, effectivement, on est obligé de communiquer. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, c'est vrai. Mais c'est pas à une minorité de dirigeants de dire ce que l'on doit faire ou ne pas faire. C'est à nous seuls. Et nous seuls avons la possibilité de le faire. Excusez-moi, je crois que vous venez d'arriver, justement. On ne veut pas sortir de l'Union européenne, on veut sortir l'Union européenne pour faire autre chose, comme nous avons fait après la Première Guerre mondiale. Nous avions fait la SDN pour qu'il n'y ait plus de guerre. Il y a eu la deuxième qui a été pire. On a viré la SDN, on a fait l'ONU. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut réformer l'ONU, c'est une autre question. Mais on est quand même capable de remplacer une chose par une autre si on la trouve meilleure. Donc le problème n'est pas de sortir ou de ne pas sortir de l'Union européenne. L'Union européenne est pourrie à la base. Les fondations sont mauvaises. On ne peut rien construire sur des mauvaises fondations. Même si la maison est très belle, les fondations sont mauvaises, ça ne peut pas aller. Donc il faut la remplacer par autre chose. Je suis un peu désolé parce que je prends le train en route, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Les fondations sont pourries. Dès le départ, ça a été pourri. Ça a été inventé par les Américains, l'Union européenne. Hein. ça a été inventé par les Américains, c'était avec le plan Marshall et la guerre froide, hein. C'était en pleine guerre froide, c'était avec le plan Marshall, c'était une grosse arnaque, hein. C'était vraiment pour faire du business, voilà, on est d'accord, les fondations sont pourries. Évidemment qu'il faut sortir de l'Union européenne parce que comme ça on l'a fait, on en finit avec l'Union européenne et la BCE aussi évidemment, hein, puisque la BCE c'est un gros problème puisque on nous tient avec les banques, hein, c'est une grosse arnaque les banques, hein, je rappelle que les États ils peuvent pas emprunter à leur banque centrale, ils sont obligés de passer par des banques privées déjà, c'est ce qui fait qu'on peut on peut augmenter des dettes comme ça à l'infini et on tient les gens avec les dettes, hein. Je rappelle que Rothschild, il avait bien compris, il a fait sa fortune comme ça dès le 18e siècle, hein, en prêtant de l'argent aux États. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne, et après on tient les États. Hein. Je rappelle qu'on est rendu même à avoir un truc qui scandalise personne, mais qui est super grave, c'est qu'on a des agences de notation. Quoi. On a des gens qui nous notent, comme si on était des enfants, quoi, comme si on était à l'école primaire. Des agences de notation qui notent pour la... qui donne des notes à la France, quoi. C'est quand même grave, c'est super grave, quoi. Donc l'Union européenne, ouais, c'est pourri dès le départ. Hein. Et déjà, je rappelle qu'il y a le droit de veto. Hein. Il faut le droit de veto de combien? C'est 20, je me rappelle, 21 États. Non, je me rappelle même plus le nombre d'États. Enfin bon, bref, c'est un truc impossible. Je rappelle qu'on a voté non à la Constitution de 2005 et qu'on nous l'a remis. Qu'on a l'armée au traité de Lisbonne. Je rappelle que ce traité, c'est il y a un tiers, c'est que ça nous parle que d'économie, quoi. C'est un truc impensable, quoi, dans une constitution. Dans une constitution, on met pas des directives économiques. Là, il y a un tiers de la constitution européenne, hein, du traité de Lisbonne, qui est sur la concurrence libre et non faussée, quoi. Le truc hyper grave, quoi. Après, on a des commissaires qui sont élus par je ne sais qui, tu vois. Le truc pareil, hyper antidémocratique. Comme c'est pas permis, quoi, etc., etc., quoi. Donc, on a vraiment un truc qui est pas du tout démocratique. En plus, plus c'est grand, plus c'est difficile, parce qu'on sait très bien que la démocratie au niveau local, c'est beaucoup plus facile que quand c'est grand. Donc, comme ça, on peut nous faire passer n'importe quoi. Donc, je rappelle que tous les élus, là, qui vous parlent de changer la constitution ou de plus de démocratie ou je ne sais quoi, c'est des gros baratineurs. Si on change pas directement d'entrée de jeu de l'Union européenne, de la BCE et de l'OTAN, on est mort, quoi. Et en plus, on nous a fait croire que c'était pour la paix. Hein. Je rappelle que les peuples, c'est jamais eux qui veulent faire la guerre. On les endoctrine pour qu'ils aillent faire la guerre. On leur raconte n'importe quoi pour qu'ils aillent faire la guerre. Mais c'est jamais dans l'intérêt des peuples de faire la guerre. Est-ce que vous avez envie de tuer un Allemand ou d'aller tuer un Anglais? Mais bien sûr que non. On va vous baratiner pour que vous alliez faire la guerre. Et justement, cette Union européenne, ça a été fait pour ça. Hein. Ça a été fait je m'excuse. Hein. Bon, je vais arrêter parce que pour la dame, je suis peut-être un petit peu trop long. Enfin, juste pour l'histoire de la guerre. Hein. Là, ils sont en train de faire tout le contraire. Hein. Et l'OTAN, c'est vraiment l'OTAN, ça avait été fait pour la guerre froide. On en a plus besoin. Pareil, faut en sortir. Et l'OTAN, là, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire avec Poutine. Hein. Ils sont en train de faire des choses qui... Normalement, ils avaient promis qu'ils mettraient pas de base de l'OTAN dans les anciens pays de l'Est, et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, quoi. Ça, c'est pareil. C'est pour ça que Poutine n'est pas content. Parce que c'est des salopards, les Amerlocs, voilà. Bon, voilà, madame, je vous redonne la parole, parce que la dame a envie de parler aussi, c'est son truc, hein. Ok. Mais j'aurais pu continuer encore, hein. Mais bon, je vous laisse... Je vous redonne la parole, madame. Il reste 5 minutes, donc je reste dans les parages. S'il y a des gens qui veulent prendre des notes, me demander des trucs, je suis là encore un petit moment. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup d'être venu et restez attentifs au mot Europe, entre autres. Au mot Europe, entre autres. Soyez très attentifs et rappelez-vous ce projet. C'est qu'une base de départ. Et cherchez sur Internet tous les renseignements. Tout ce que je vous ai dit est vérifiable.